Bonsoir. Tous les canards vont à la mare, ça commence en faisant tomber quelque chose. Ça faisait deux semaines qu'on n'était plus loin. Tous les canards vont à la mare, 20h, 22h. Si tout va bien, on a commencé un petit peu en retard, désolé. Ça arrive. Et la plage arrive aussi. Ouais, voilà, c'est parti. Elle est là. Oui, on invente. Et elle est là aussi, je ne suis pas toute seule, non. Et c'est bien fait pour vous. C'était ta phrase. C'était la phrase pour terminer. Effectivement, ça faisait deux semaines que nous ne sommes pas venus, donc il y a un petit peu de bazar. Et... ben voilà. C'est comme d'hab. C'est un peu comme d'hab. L'émission numéro combien ? 289. 289, on démarre avec Joey Bonamassa. Oh oui. Du blues. Bah ouais, pourquoi pas du blues finalement. C'est assez rare dans les canards, on vous le concède. Mais du blues, Joey Bonamassa, Bridge to Better Days, extrait d'un album qui s'appelle You and I, qui sortait en 2006. Et Joey Bonamassa, un petit coucou à l'équipe de Telling You, qui pratique ici tous les jeudis soirs entre 18h30 et 20h, et l'ami Francis qui est un petit peu souffrant en ce moment. Donc on lui souhaite plein de bonnes choses. Un bon rétablissement. Et on fait souhaite plein de bonnes choses à Marie aussi. Et puisqu'on discutait un peu blues, et ben voilà, on démarre avec un morceau de blues pour ce soir. Ça c'est bien. Bah, c'est bien. Au programme. Album de la semaine. Mm-hmm. La review de Korenko. Le fil rouge toujours avec David Bowie. Ah quand même. Il y a quelques nouveautés. Hein. Si, quand même, il y a quelques nouveautés. Ouais. Books on the Radio. Et une archive du jour. Uh-huh. Un album qui a fêté ses 25 ans. Il y a deux jours. Donc c'est un anniversaire. D'accord. En plus, c'est marrant, je me souviens avoir dit, genre il y a deux semaines, le but de l'archive, c'est pas de faire chaque fois des albums anniversaires. Bon, ben, pas de bol pour ce soir, ça c'est encore un anniversaire. Ouais, mais bon, c'est un petit peu normal. Ouais. C'est plus facile comme ça. Ouais, le but, c'est pas d'être facile. Hein. Non, mais bon. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Hop, je clique sur les choses. On va y arriver, hein. Allez. On devrait y arriver. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippe Arr, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine, donc. Mm-hmm. On va partir à Los Angeles. Mm-hmm. Il fait un peu plus chaud qu'ici. C'est ça, voilà. On va se réchauffer un petit peu. Ouais. Avec Emma Ruth Rendell. Mm-hmm. On en a déjà parlé. Qui sort un album solo. Oui. Marked for Death. Ah ouais. Eh oui. Si. Si. Il s'en souvient si, maintenant. Si, si. Ouais. Ah, yeah. Écoute. Alors Emma Ruth Rendell, pour un petit peu remettre en perspective, c'est la chanteuse notamment de Marriages. Mm-hmm. Du groupe Marriages, de Red Sparrows, ouais, voilà, et de Nocturnes. Je connais pas. Non, moi non plus. Bon. On connaît deux sur trois, c'est déjà pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est déjà pas mal. Écoute, on peut faire avec ça. Alors, c'est déjà son troisième album solo quand même. Mm-hmm. Le premier était sorti en 2011, il s'appelait Electric Guitar One. Voilà. En 2014, c'était Some Heavy Ocean. Et donc en 2016, le fameux Marked for Death. Mm-hmm. Et on va écouter pour commencer le morceau éponyme de l'album, Marked for Death. Say Je sais pas si on va y arriver. Je ne pense pas. Emma Root Surrender avec Marked for Death, extrait de l'album éponyme. Ça va aller. Explosion in the Studio. Explosion in the Sky, c'est avant. Ouais, voilà. Ne touche plus à rien pour l'instant. Voilà. Album de la semaine donc, Marked for Death d'Emma Root Surrender. Yeah. Ouais, donc chanteuse de Marie Edges qu'on vous avait présentée il y a quelques mois. Mm-hmm. Alors pour l'album, il faut savoir qu'elle s'est complètement enfermée dans le studio du label, pourquoi Sargent House, pendant 2 mois. Ah ouais. Donc en fait, elle a dormi là-bas, elle se levait, elle composait ses morceaux et elle faisait les arrangements spécifiques pour chaque morceau pendant 2 mois. Concentrée sur son sujet. Légèrement. L'histoire ne dit pas s'il y a des sanitaires adaptés. Je n'en dirai pas plus. Voilà, elle dit aussi que son groupe Nocturnes, voilà, qu'on ne connaît pas justement, voilà, est fort proche de cette musique-là. Mm-hmm. Et faut savoir qu'avant, Marie Edges faisait plutôt des choses un peu plus métal, on va dire. Ouais, ouais. Et elle est partie dans un truc plus. Plus noir, on va dire, plus dark quand même, et plus avec moins de couches d'instruments, plus dépouillé, ouais. Et dire plus léger dans les instruments, mais peut-être moins dans la musique. Ah ouais, dans l'ambiance, pas vraiment. Pas vraiment léger. Voilà pour cet album Marked for Death. Deuxième extrait pour ce soir. Mm-hmm. On va écouter Hand of God. Desperate love, always needed it. comfortable. Là, ça s'arrête comme ça en plus. Hein. Sans prévenir. Sans prévenir, un coup dans le dos presque. Un coup dans le dos, ils en ont mis un bon pour le retour, réouverture. Appelez ça comme vous voulez finalement. Hein. Renaissance. Quoi que c'est déjà pris à Moucron, Renaissance. The comeback. The comeback of the Hellbar. Et l'équipe de Quistax qui a débarqué pas plus tard que vendredi avait des groupes dans sa petite besace, dont. La tête d'affiche qui était Papier Tigre, qu'on écoutait juste à l'instant. Extrait d'un double 47 tours fort bien fait, qui sortait chez African Tape. Intelligent Horses, le titre pour Papier Tigre. Et pour souvenir, on a Marvin Pneu, si, et Electric Electric sur ce bel objet, qui en plus est un bel objet. N'est-ce pas ? Il faut dire ce qui est. C'est vrai. C'est la merde totale pour caler les morceaux, mais c'est un bel objet. C'est pas un truc radio du tout, mais c'est beau. C'est pas un truc pratique, c'est juste beau. Du tout, mais c'est beau, c'est très très beau. C'est déjà pas mal. Et donc Papier Tigre, Megamoto, oui. Tournée, et Animal Youth, oui. Qu'on écoutera tout à l'heure. D'accord. Si. Eh bien. Dingue, hein ? C'est fou. Dingue. Allez, fil rouge. Mm-hmm. Avec monsieur David Bowie encore et toujours. David. Nous sommes dans sa trilogie berlinoise. Ah. Ouais. Et en 1977, il sortira donc le fameux Heroes. Ah. Là, on est content. Voilà. Large sourire. Parce qu'on le voit pas. Alors, Heroes, album donc sorti en 1977, deuxième de la trilogie, on vous avait parlé de Low il y a quelques semaines. Heroes qui parle principalement de ce fameux mur, voilà, de Berlin. Vie. Qui sépare la ville en deux. Toujours aussi minimaliste, qui fait que c'est une trilogie berlinoise. Et qui atteindra quand même la troisième place dans les charts en Grande-Bretagne. Excusez du peu. Dont le titre principal qui n'atteindra que la 24e place, étonnamment. Et qui par contre maintenant est un gros tube de dans toutes les Bowie. Pubs de télécommunications de jeunes hipsters. C'est ça. Par exemple. Je ne sais pas pourquoi. T'as pas à comprendre. Bah, ils ont un peu salopé le bazar. Oui. Parce que c'est quand même un méga grand morceau du ben, monde. Quand même. C'est Heroes, c'est un peu Imagine, quoi. Voilà. C'est des choses intouchables, absolues. On l'écoutera juste après. Voilà. Pas forcément. Quoi, Imagine ? Mais non. Ce qu'Imagine ferait là-dedans. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas non plus. Alors, sur cet album, il sera rejoint par le guitariste Robert Fripp. King Crimson. Yeah. Donc, quand même. C'est s'entourer. Référence, bien sûr. Ouais. Et Heroes, on parlait du fameux Heroes qui sera en tout cas plus connu 5 ans plus tard, en 1982, parce qu'il le chantera avec Bing Crosby. Oui. Ouais, mais bon. c'est dingue. Respect. Ouais. Bing Crosby, respect. Oui. Mais quand même. Voilà. Ah ouais. Ouais. Et c'est comme ça que le morceau fera... Des terres du monde. Oh, c'est ça. Il deviendra ce qu'il devient devenu aujourd'hui. Randeworld. Alors en 1978, Bowie fera principalement une tournée. Dit Isolar 2 World Tour. Ah, vous souvenez. Qui donnera naissance d'ailleurs à un album live qui s'appelle Stage. Absolument. Voilà. Qui est fort bien. C'est bien possible. Tu veux qu'on passe un extrait la semaine prochaine? J'ai même mon vinyle quelque part, le Stage. Si, c'est vrai, j'ai un vinyle. Ah, en plus. Mais ben voilà. Quand même. Voilà. Allez, extrait de cet album Heroes, sorti en 1970. C'est ça, trêve de blabla, allons-y. Écoutons Heroes. ça ne le fera pas du tout aujourd'hui. La review de Kanko, la revue des musiques bruyantes et agitées. Fille. Si. Et donc, on va vous parler un petit peu des news, et notamment Gone is Gone qui revient avec un new album qui s'appelle Echolocation. Mm-hmm. Ça sortira en janvier prochain. Il y aura 12 titres sur cet album, et il y a déjà des petits morceaux qui circulent évidemment sur le net, bien sûr. Korn qui s'est fondu d'un nouveau single qui s'appelle Different World, et il est en compagnie de Corey Taylor de Slipknot. Si, il y a une vidéo et tout ça. Bon. Ouais, part, le premier morceau, le premier extrait de l'album était pas mal du tout. C'est vrai. Et le reste, par contre. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ils ont commencé par le meilleur. Noël approche et donc décembre aussi. Souvent les deux sont liés. Il faut savoir que cette année, il y aura un film qui retrace les événements du marathon de Boston de 2013. Le film s'appelle Patriots Day. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Ah, c'est américain. Et c'est un certain Trent Reznor et Atticus Ross qui vont prendre en charge la BO de ce film qui sortira en janvier prochain aux États-Unis. Un Patriot Day. Et Trent Reznor et Mogwai aussi. C'est vrai ? Uh-huh. Eh ben dis-moi un petit peu du mais monde. C'est pour un autre film avec Leonardo DiCaprio. Je ne sais plus le titre du film. Hein. Ouais, sur la nature. Là. Ouais, c'est ça. Et c'est eux deux qui font la BO du film. Bon. À deux. Voilà. Bon. Pas encore d'extrait, mais sûrement. Hellfest 2017. Déjà ? Déjà. Donc déjà moyen d'avoir d'acheter ses places depuis la semaine passée. Il y a déjà encore des places. Ah non, septembre, c'est un truc de fou. Et donc, il y aura un certain Blue Oyster Cult qui est annoncé comme premier groupe. On subodorait Metallica, mais non, il n'y aura pas Metallica. Oh, c'est dommage. Fort dommage. on subodore des gens comme Guns N' Roses. Ouais. Enfin bref, voilà, le Hellfest, quoi. Pour les vieux, ouais. C'est pour les vieux qui ont envie de faire un peu de kilomètres et qui ont un peu d'argent. Ça annonce quand même. Hein. Mais c'est beau. Enfin, apparemment, c'est bon. Ouais, à mon avis, sur place, ça doit le faire. Bon, je ferai un jour le Hellfest, allez. 9-11, c'est ça, qui sort un album qui s'appelle Sentinels. C'est pas vraiment un album, c'est un morceau, un titre, un concept. Ça dure 34 minutes. Pardon. Et c'est visible sur, la chaîne YouTube du groupe. C'est déclinable en 5 thèmes différents, c'est très bien fait. J'ai vu un bout des 5, voilà. Ouais. Mais c'est quand même vraiment intéressant, en tout cas la démarche artistique derrière est intéressante. 9-11 pour le morceau Elysium. On poursuit dans les news. Nouveau clip pour Counterpart, voilà, pour le titre Strangers. Walls. On en parlera tout à l'heure, mais vous savez, les petits noisy rock punk de Chicago qui reviennent avec un nouvel album. L'album sortira le 21 octobre prochain. L'album s'appelle Gold. Et il y a Baby Teeth qui est en écoute et qu'on écoutera tout à l'heure ici pour les cool. Walls. Ouais, en plus, ça, c'est très très bien. C'est très très très bien. Si ça passe chez nous, c'est très très bien. Très très bien. Bon, parce que quand ça passe chez nous, c'est très très bien. Bah oui. Bon, bah écoute, je suis fort ravi de le savoir. Une émission de qualité, monsieur. Ah ben, écoute, je pense qu'il faut, le dire. Voilà. Vous qui écoutez, vous écoutez une émission de qualité. Parfois avec des schmolles, mais une émission de qualité. Quand même, bon, allez, on poursuit dans les news. Obsidian Kingdom qui présente Black Swan, qui a été clippé. C'est bien foutu, évidemment, c'est un peu léché. Comme beaucoup maintenant, hein. Nouveau titre aussi, Clockworks, c'est nouvel extrait pour Meshuga. Meshuga, on vous rappelle que l'album arrive assez vite, évidemment. Réédition pour les Highland Queen. Nouvel album pour Protest the Hero. Et première date de concert pour une nouvelle tournée. Mm-hmm. Pour des petits gars qui s'appellent Trust. Mon Dieu. On retrouve donc Nono à la gratte, hein, si. Sa guitariste Johnny Hallyday, je vais bien le lire. C'est vrai. Iso, David Jacob, Hervé Kossler et donc Bernie Bonvoisin. Ben oui, il est toujours là. Antisocial, tu perds ton combat. Ou ton sang-froid, ton c'est sang selon. Froid aussi. Ton sang-froid, ton combat. Mais là, je pense que. Mais non, Bernie Bonvoisin, juste dire que ce gars a quand même une patte, une image, et il est très bon dans l'écrit, et très bon quand il fait des reportages. Je ne suis pas persuadé qu'il fallait relancer Trust. On est d'accord. Mais voilà quoi. Allez, album du mois chez Korenko, c'est un groupe qui répond au doux nom de Chenille. Ça s'écrit avec des O, des petits O qui forment une chenille. Ben ouais, voilà. C'est un groupe assez particulier quand même. C'est à la base un duo avec une chanteuse, mais pas n'importe qui comme chanteuse, et un multi-instrumentiste. C'est un groupe français qui propose un métal qui va un petit peu partout, voilà, qui va dans le jazz, qui va dans l'avant-garde, qui va dans l'expérimental, qui va dans la pop, qui se fait vraiment très très plaisir. Ils sortent un nouvel album qui s'appelle Salmon, ensemble en néerlandais. Ben oui. Voilà. Mais pourquoi en néerlandais? Est-ce qu'on leur a posé la question? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils savent que ça veut dire Salmon? Ouais, probablement. Ils sont potes. En même temps, ils sont potes avec Carnival In Call. Ah, voilà. Donc, ils connaissent un peu la Belgique. Ça doit être ça. D'office. Voilà, l'album donc s'appelle Salmon. C'est album du mois. Ça sort chez Apatia Records, qui est toujours une très bonne maison. On n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. C'est vraiment une bonne maison. Pour la petite histoire, sur la pochette originale, on voit des couples entrelacés et donc dessins. Ouais. Et il y a évidemment Facebook qui a fait une très grande censure en disant « Mon Dieu, c'est quoi, bande de sauvages ici ?» Je t'avais expliqué l'histoire de la photo que quelqu'un avait mise sur Facebook avec un homme devant, avec une pancarte où il était noté... un truc du genre je tue les noirs et je tue les homosexuels, et derrière une femme avec des seins nus, et en fait la photo a été interdite pour les seins nus. Pour les seins nus, ouais, c'est ça. Voilà, ben ça, voilà, c'est l'histoire de Facebook. Bravo. Voilà. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Bon, et donc si vous êtes vous aimez un petit peu les Carnival In Call ou encore le Diablo Swing Orchestra par exemple, et que vous vous souvenez d'un groupe que je ne connais deux noms, soyons honnêtes, Pin Up When Down, mais je n'ai jamais écouté, mais je connais deux noms. Eh bien, sachez que c'est Asphodel, la chanteuse de Pin Up When Down, qui gère et qui est au chant et qui donne vie à ce projet Chenille. Dans ma mémoire, je pense que c'est déjà le deuxième opus, ou en tout cas, il y avait un EP avant, je ne sais plus. Ça sort donc chez Apatia, je l'ai dit, et on est parti avec un titre qui s'appelle No Guts, No Masters. Chenille, c'est vraiment... Yes ? C'était le troisième album. Ah ben voilà. Il y a des gens qui... Je suis tombé dessus par hasard. Il y a des gens qui suivent. Ouais. C'est un univers un peu foutraque comme ça, mais franchement bien foutu. Je pense que dans les tops de fin d'année, je ça pense que cet album aura une place. D'accord. Voilà. C'est parti. Où naviguent les ondes libres ? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Now that the bridge is on this side of the border. Give me some of that. Won't y'all come on over here with us? You wanna walk the water? And if you ever should see a skunk shake his rump, tell him to come on over here for some snake funk in the dump, baby. Now we got this stick that will set you free. All you got to do is take a closer walk with me. And we got this thing that's full of magic tricks. So come feel if you will the magic of the Dookie Stick. We want to play for you. Play, mama. Feel a thrill. Funky in the dumpy. I've got this a magic wand that's guaranteed to make you come to me, baby, to set yourself free. With the Dookie Stick. My magic wand can do almost anything. Spitting fire, making rains. But most of all, it can make you spread your wings and fly away. Talk to me quick. Let me know, baby. Yeah. can stick. That this magic wand possesses. Let us all confess that we have seen what we do not believe in. And, what you gonna do now, Andrew Good? Oh, but tell me about Eve. Who Eve? Sheila. She got dropped off. At the bridge. Le petit morceau, le groovy du soir. Ah ben c'était bien groovy. Hein, ouais, avec un grand monsieur. Ah. Voilà. Alors ce monsieur s'appelle George Duke. Mm-hmm. Il peut paraître... voilà, qu'on ne connaît pas. Non, en tout cas, non. Non. Le morceau qu'on écoutait quand même, c'est Duke Stick. C'est sorti en 1977. Mm-hmm. Alors, à savoir que cet homme est décédé en 2013, voilà. Mais principalement, c'est un des pionniers, en tout cas, dans le synthétiseur. Allez. Et la musique électrique jazz. Mm-hmm. Et il a notamment été l'un des musiciens et des amis de Frank Zappa. Bon. Miles Davis. Michael Jackson, Tom Waits, Al Jarreau et Phil Collins. Et bam. Voilà. Et bam. J'ai envie de dire. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est dommage que par chez nous, il ne soit pas aussi connu que ça. Bah, en tout cas, non. Moi, en tout cas, ça ne me disait rien du tout, mais... Et moi non plus, jusqu'à ce que je tombe sur, sur lui, sa biographie et ses morceaux. Il y a de quoi faire, hein. Je pense. Ouais, sa bio, il y a de quoi faire. Hein. Clairement. On a de quoi... Un beau CV. Un beau CV, mais beau carrément, CV. Quoi. Bon, allez, le petit morceau qui craque, évidemment. Forcément. Il y en a déjà eu, hein. Évidemment, il y a eu le papier qui craquait. Et là, on va encore craquer un petit coup. On va craquer en 1981. Cette fille est une icône. Il n'y a pas d'autre mot. À New York. Elle est blonde. Mm-hmm. Elle a un regard qui renverse un petit peu tous les hommes sur son passage, voire même des filles, à mon avis. Mais j'étais pas là pour voir ça. Mais et elle fait partie à l'époque d'un petit groupe comme ça qui tourne pas trop mal et qui fait référence un peu à elle, tu mm-hmm. vois, genre Me Myself and I, puisque le groupe s'appelle Blondie. Je m'en doutais. Et oui. Cette charmante jeune femme s'appelle Deborah Harry, Debbie Harry, qui va se dire ouais mais bon c'est bien mais je ferai bien mon truc moi-même. Et son truc moi-même c'est notamment un album qui s'appelle Coucou. K-O-O, K-O-O. Ça sort ouais. chez Chrysalis, Coucou, en 1981. Il y a un single qui est extrait de cet album qui s'appelle Backfired, qui est très mauvais. Mais, voilà, face A, mais en face B, comme souvent dans ces cas-là, il y a des petites choses un peu improbables, dont ce Military Rap, si ça existe. Mon Dieu. Military Rap, extrait de l'album Coucou, Debbie Harry. Et alors, excusez du peu, il y a deux gars qui sont derrière cette histoire-là. Ouais. Un certain Bernard Edwards et un certain Nile Rodgers. De... Chic, évidemment. Et donc, ça va encore groover un petit peu, ça craque et ça groove. Military Rap, Debbie Harry, 1981. C'est parti. We'll be right back. time again. We'll teach you discipline. Mothers, sons, and fathers, don't shut it up and follow orders. Study up on weapon, read the M16 and the M15. Sammy knows the enemy. Flim flam, big slam, tell the major what you see. One line. One line. The paper. The sound. Books on the Radio. Allez, Books on the Radio. Et on va faire un tour encore une fois du côté de nos amis français. Mm-hmm. Avec Play de Franck Parizeau. Mm-hmm. Alors, c'est son premier bouquin et le seul pour l'instant. Voilà, c'était sorti en 2014 chez Albin Michel. Ceux qui ont le cœur fragile, s'abstenir. Ah bon? Voilà, c'est très très gore. D'accord. On ne peut plus gore. D'accord. Alors, l'histoire se passe à New York. Mm-hmm. Avec une unité de la police de New York composée de trois personnes. Gabriel Bridge, qui est l'inspecteur en chef. Joachim Alves et Tsukio Morgans, mm-hmm. qui est une femme. Voilà. Un peu fatale sur les bords. Il y a des gros clichés du thriller. Voilà. On n'y échappe pas. On va appeler Gabriel Bridge pour lui dire qu'un vieil homme a disparu, mmh. et qu'on a retrouvé son nom son écharpe qu'on a retrouvé accrochée à une grille près de l'endroit où il allait marcher. Mmh. Bizarre. Bizarre, autant qu'étrange. Donc, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Puis on va retrouver un corps, ou ce qu'il en reste, dans la patinoire de New York. Alors pourquoi je dis encore ce qu'il en reste ? Parce que le corps est complètement... on ne sait pas reconnaître sa figure, on ne sait pas reconnaître où sont ses mains, où sont ses pieds, où sont ses jambes. Voilà, et on va surtout retrouver une clé USB près du corps. Toujours à l'attention de Gabriel Bridge. Et forcément, ils vont regarder cette clé USB, se rendre compte que c'est le vieil homme qui a disparu. Ouais. Et surtout, sur la clé USB, on voit la torture qu'a subie le vieil homme. Est-ce qu'il en reste ? Est-ce qu'il en reste ? Bon. Alors. Sympa. On comprend dès le début que le tueur en veut à l'inspecteur Bridge. Et bien sûr, ça ne va pas s'arrêter là, puisque il va enlever, le tueur va enlever d'autres personnes. Ou alors va les tuer chez eux. Complètement, il va tuer une mère et sa fille, notamment, dans leur maison, et s'en prendre bien sûr à l'équipe de l'inspecteur Bridge. Le tueur va être surnommé le Cyclope. Tiens donc. Alors pourquoi le Cyclope ? Ouais, pourquoi le Cyclope ? Mais pourquoi le Cyclope ? Mais pourquoi ? Bonne question. Tout simplement parce qu'il porte une cagoule avec sa caméra. D'accord. Accroché. Ok. Donc il a un seul œil, c'est cette fameuse caméra qui filme tout. À savoir que les victimes, dès le début, on se rend compte qu'elles ont un point commun, c'est qu'elles exposent leur vie sur des blogs sur Internet. D'accord. Voilà. Bon. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut avoir le cœur accroché et que c'est assez gore, parce qu'en fait il y a des séances de torture et des scènes de violence. Si vous êtes comme moi, que vous lisez des bouquins et que vous avez toutes les scènes en tête, voilà. Comme si on y était. C'est ça, un peu cinéma en fait. Bon, et alors ça dénonce finalement la manière dont on utilise par exemple les blogs, les réseaux sociaux, Facebook et tout ça ? En partie. D'accord. Mais pas que ça. Bon. Puisque ça a à voir avec Gabriel Bridge. Pourquoi il s'en prend à lui. Pourquoi c'est lui qui est visé au début. Et ça, on le saura à la fin. Alors, on a les deux points de vue. On a le point de vue de la police, forcément. Et on a le point de vue du tueur à chaque fois. Donc, comment il prépare ses actes. Pourquoi il fait ça. Et voilà. Jusqu'à la mise en scène. Ok. Parce qu'il y a des mises en scène aussi. Ah ouais. Ah, donc à chaque fois qu'ils trouvent des corps, ils ont la police a un indice. C'est une sorte de jeu de piste en fait. Qui mène à la prochaine découverte. C'est ça, ouais. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien tordu quand même. C'est très tordu. Bon, et alors je te sens quand même un peu marqué par cette histoire. Et c'est vraiment de la description pure et dure. Ah oui. Alors le bouquin fait 600 pages. Ouais, dont 300 pages de torture. C'est un beau bébé. Non, j'ai 300 pages de torture. Mais ouais, j'avais lu comme quoi c'était assez gore, mais bon, je me dis, wow, avec tout ce que j'ai lu. Alors, mais... soit quoi. C'est... Non, quand même. Non, c'est vraiment... C'est très très gore. Franchement, c'est très très très gore. Il y a des scènes... très difficile, à mon avis, si un jour c'est mis au cinéma, c'est interdit au moins de 18 ans, quoi. Ah ouais, On va ressortir le fameux volet d'interdiction. Ben ouais, je pense. Ah ouais, parce qu'il est quand même... Enfin voilà, maintenant tout ce qui sort et tout ce qu'on voit, hein, j'ai envie de dire, bon, soit quoi. C'est quand même rare qu'il y ait une interdiction. Ouais, mais là c'est exagéré. C'est le premier bouquin que je lis et je me dis, wow. Ah ouais. Wow, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est un peu dégueulasse quand même. Ça s'appelle Play, ouais. Et c'est un auteur français qui s'appelle donc... Franck Parizeau. C'est tout jeune, hein. Il est né en 81. Ouais. Donc plutôt pas vieux pour un écrivain de thriller. Et on n'en sait pas plus, c'est juste le gars qui lit beaucoup de BD et de romans, qui s'est dit un jour je vais écrire un bouquin. Tiens, je vais le faire. Il l'a fait. Bah, l'histoire se tient. Ouais. C'est une histoire de vengeance, en fait. Avec l'ami Gabriel, quoi. Avec l'ami Gabriel, forcément, on le sent sans doute dès le début. Mais une vengeance qui a bien mijoté, quoi. Bon, la question qui revient à chaque fois que c'est Books on the Radio, à chaque fois que tu parles de bouquins, à chaque fois j'ai cette question-là. Et donc les personnages en psychologie, leur, c'est fouillé, c'est pas fouillé, on cherche, on peut s'identifier, on s'identifie pas, tout ça quoi. Alors c'est fouillé, pour, pas pour tout le monde. Mm-hmm. Comme Gabriel Bridge, c'est un inspecteur qui a des insomnies. Qui doit mener des enquêtes pareilles, le pauvre. Voilà, mais qui est toujours torturé par ses enquêtes. Ok. Vraiment. Donc ça s'arrange pas là, quoi. Ça s'arrange pas du tout, non, vraiment pas. Joachim Alves, qui est un croyant et qui a perdu son frère quand il était plus jeune, mm-hmm. qui en fait son frère s'est fait tuer, qui a eu du mal à dépasser sa colère et son deuil. Qui est marié, mmh. Mais qui n'a toujours pas dépassé sa colère et son deuil. D'accord. Et Tsukio Morgans, qui est la femme fatale, ouais. de base, donc un peu asiatique, moitié américaine, moitié asiatique, très jolie, un peu avec, avec le jean et le blouson de cuir, quoi, enfin, tu vois. Ouais. Joanne Chen. Fin des années 90. C'est ça, voilà, plus ou moins ça. Qui est le personnage qui est peut-être le moins dépeint, le moins décrit. D'accord. Dans le bouquin. Ce sera pour la suite. Peut-être. Si on attend une suite. S'il y a une suite. Ça, je ne sais pas. Franck Parizeau, Paris, ça sort. Là, je vois que c'est une édition poche. Ouais. C'était sorti en 2014 chez Albin Michel. Chez Albin Michel. Bon, ouais. Allez, conseil lecture. Puisqu'on en parle un tout petit peu dans ce bouquin, même si j'ai bien compris que ce n'était pas le sujet principal, les blogs, les réseaux sociaux, tout ça, ben, sachez aussi que les musiciens parfois s'y intéressent. Au point d'en faire un titre, le titre s'appelle Facebook Troll. Ça figure sur un hippie qui s'appelle Wise Old Man et le groupe c'est The Fall en 2016 qui a sorti donc ce petit hippie où on retrouve, alors c'est très drôle parce que c'était sorti initialement sous le nom Fiber Troll et puis ressorti en hippie ça devient Facebook Troll, voilà on dit bien les choses. Couplé avec un espèce de remix d'arrangement avec No Christmas for John Kay, qui est un titre qui figure, figurez-vous, c'est le cas de le dire, sur le premier album de The Fall, Live at the Witch Trials, qui sort en 1976. Et ben, ce titre a été repris, retravaillé à partir de ce Facebook Troll. On est parti pour un morceau qui fait presque 7 minutes, The Fall. Et fin de l'album de la semaine, toujours avec Emma Ruth Rundell. Alors, à savoir qu'elle sera en concert demain soir, à l'aéronef de Lille, accompagnée de Woven End. Quand même. Alors, soyez pas déprimés. C'est ça. Ou si vous voulez vous suicider, prenez votre corde avec, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des cordes dans le merchandising. Peut-être. Faut voir. Parce que la soirée, c'est être un petit peu plombée. C'est ça. C'est pas là que vous allez pogoter la chemise à fleurs, quoi. Ah non, pas du tout, non. C'est plutôt noir. Voilà. Voilà. Allez, demain 20h, aéronef de Lille, pour ceux qui sont intéressés. Bon. Ça doit être bien sympa. Oui. Allez, dernier extrait pour cet album, Marked for the Death. On va écouter Furious Angel. Pretty because the knife twist lets my blood. You're the one that I love. You always will be kind. If I send you the army, only you can disarm. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Calmer les esprits. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu beaucoup. Alec Eiffel, extrait de l'album Trompe le Monde, quatrième album pour les Pixies, et ça consacre l'archive du jour. On s'arrête sur cet album qui sortait le 7 octobre 1991 aux États-Unis, alors qu'il était sorti le 23 septembre 1991 en Europe et en Belgique. Oui. Si. Bah oui. Et je dois l'avoir reçu autour du 10 octobre, un truc comme ça. Ah, voilà, c'est ça. Parce que j'avais commandé à l'époque. Ah. Voilà. Si c'était toi, machin, commander des disques et tout. Bref. On commandait des disques en envoyant des lettres. Ouais, ouais, ben, bah, carrément. Écrit à la main et tout, si, je l'avais fait. Et donc, j'avais donc reçu cet album, qui est toujours là d'ailleurs. C'était la bonne vieille époque. Hein, on entend, on voit. Voilà. Et Trompe le Monde des Pixies, ah, s'il y a bien un album qui est décrié, détesté dans le monde de l'alternative rock, c'est bien cet album-là, à juste titre, mais pas que. Voilà. Mais pourquoi tu le présentes alors? Alors je le présente bah, parce qu'on tombe dans une période anniversaire, parce que ça me permet de parler des Pixies et j'aime toujours bien. Semblait et bien. Que ça préfigure aussi la sortie de l'album qui suit, non pas juste après vu que c'est l'infâme Indecidi, mais qui sort en 2016, le Head Career des Pixies. Et on retrouve quelques acquaintances et quelques similitudes avec ce Trompe-le-Monde. Sauf que Trompe le Monde est présenté très vite comme l'album plutôt punk, voire même metal des Pixies, parce qu'il y a des riffs un peu plus durs que dans les autres albums. Ouais. Si, c'est présenté comme ça. C'est présenté comme ça à l'époque. À l'époque, ouais. Je me souviens. On rigole. Et donc, de là à dire que Pixies va faire du Slayer, on n'ira pas jusque-là. Vaut mieux pas du tout. Non. Mais donc cet album n'est pas trop bien compris. Il y a cette reprise un peu mal torchée de Head On de Jason Marichan qui ne sert à rien du tout. Il y a des petites chansons un peu stupides comme Distance Equals Rate Times Time qui ne sert à rien du tout. Il y a des choses comme Palace of the Brain, c'est fort bien joli, ça ressemble un peu à The Beatles. Mais ça ne sert à rien du tout. Et donc forcément, ça donne un album qui n'est pas très complet par rapport au Successful, Doolittle et Bossa Nova, voire même, pour moi, Surfer Rosa, bien sûr. Ah, excellent. Donc, est-ce que les gens sont déjà fatigués des Pixies? C'est peut-être la question qui se pose. Les Pixies, on le rappelle, c'est un groupe qui a quand même déjà, en 91, déjà bien bourlingué. Pour la petite histoire, ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est Joey Santiago qui rencontre un certain Frank Black, Black mm-hmm. Francis à l'époque, Charles, hein, son vrai nom, Charles, Charles Michael Kidrich Thompson, quatrième du nom. Vous souhaitez. On va l'appeler Frank, restons cool. Et donc, ils se rencontrent à l'école, bah ouais, tout simplement. Ils discutent un petit peu musique ensemble. Il y a Frank Black qui en a marre d'être à l'école et qui va faire un échange culturel, une espèce d'Erasmus à l'époque. Ouais. Et qui s'en va à Puerto Rico pour apprendre un petit peu l'espagnol et apprendre un peu la culture là-bas. Il se passionne d'archéologie et quand même de punk rock, voilà. Et il revient, le Frank Black, 6 mois plus tard après son excursion, il dit à Joey, bah écoute, moi c'est bon l'école, j'ai donné. Il entraîne son pote hors de l'école, voilà, il a entraîné beaucoup dans plein de trucs quand même. Ils vont travailler à l'usine tous les deux, et ils vont faire des concerts du soir en disant, tiens, ferais bien un petit peu de guitare. Forcément, Frank Black, si on connaît un peu le personnage, un peu rond comme ça, un peu boulimique, y comme compris ça, pour ouais. la musique. J'ai fait quelques chansons, est-ce que ça t'intéresse? J'ai un truc ici, bah voilà, j'ai enregistré 60 trucs. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose un petit peu à partir de ces chansons-là? Ainsi va naître les Pixies. Il y a Dave Lovering qui va rejoindre le groupe assez vite, qui traîne pas trop loin de la bande, et vont rencontrer une jeune mariée, Madame John Murphy, Kim Deal, qui va prendre la basse, et ainsi démarre les Pixies. Une bande de potes qui fait de la musique, quoi. Potes ouais. presque, parce que Kim Deal, elle a jamais été vraiment pote dans l'histoire. Enfin, ça, c'est autre chose, hein. On va pas rentrer dans les détails. C'est une autre histoire. Voilà, il y a plein de choses à dire là-autour, mais on le fera pas. Surfer Rosa, donc Doolittle, évidemment, c'est un petit peu les piliers. Et Doolittle va débuter sur une tournée mondiale qui va un petit peu les mettre à genoux. Mm-hmm. Voilà. Je cherche parce que le nom de la tournée, je me souviens plus, mais c'était Fight and Fuck Tour. Voilà. Le Fight and Fuck Tour qui va les mettre à genoux. Il va donc y avoir une petite pause. Juste après le Doolittle et le Bossa Nova, voilà, qui se sont assez vite enchaînés, et donc va sortir ce Trompe-le-Monde en 1991. Le groupe n'est pas en pleine gloire parce qu'il ne roule pas sur l'or, mais le groupe en tout cas a conquis l'Europe bien plus que les États-Unis. Et il y a une horde de fans qui un peu façon qui s'armit comme ça. Il y a plein de gens qui sont fans des Pixies. Et c'est qui les Pixies? Ça devient un peu le secret le mieux gardé du monde de l'alternatif. Fin 80, début 90. Les gens de l'époque qui suivaient le groupe étaient très fiers de connaître les Pixies. Ils n'ont jamais en parlé autour d'eux, évidemment. Forcément. Et se parlaient qu'entre eux. Ça, c'est pour le truc assez drôle. Il y a donc un petit peu toute cette imagerie autour de ce groupe qui n'est pas tout à fait comme les autres, hein, parce que bah ouais, on entend, il y a du punk, il y a un peu de surf music, il y a des riffs bien durs quand même de temps en temps, il y a de la pop parce que les Beatles ne sont jamais loin, ça chante parfois en espagnol, de la guitare mariachi et de la batterie hardcore sur un même morceau, bah ouais, c'est possible avec les Pixies, si. Donc ce Trompe-le-Monde en 91 n'est pas super bien accueilli. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs titres qui sentent la redite, et comme je disais, d'autres qui sont un peu passables. Voilà. C'était peut-être le début de la fin, allez savoir. 25 ans plus tard, quand on réécoute ce disque, parfois on danse dans le studio, on trouve ça super chouette, hein, des morceaux comme Alec Heifeld, quand même, ça reste en tête, il y a quelque chose. Album aussi qui a été très produit. On retrouve Jill Norton notamment, qui s'occupera plus tard des Foo Fighters par exemple. On retrouve aussi, et c'est un peu plus étonnant, Eric Droufelman pour plein de parties de synthé, d'arrangement. Eric Droufelman, pour savoir, c'est l'ancien claviériste de Cannes. De Captain Beefheart. Ah, ça doit lui changer. Hein. Et de Père Ubu. Ouais, ça devait changer ce que tu... Voilà, et donc il se dit, bah tiens, moi j'avais quatre groupes, j'en fais un. J'avais trois groupes, j'en fais un petit quatrième, les petits jeunes ils sont bien. Et donc il ramène évidemment beaucoup d'expérience, beaucoup d'arrangements. C'est peut-être ce qui surprend, le côté moins rêche des titres et le côté un peu plus arrangé. C'est peut-être ça finalement qui a surpris. N'allez pas chercher plus loin. Dans les thèmes abordés, c'est toujours très drôle. Bien sûr, avec Apple qu'on écoutait, ça fait référence à la Tour Eiffel. Il y a des chances, ouais. Voilà, avec toujours des paroles, on ne peut plus, amusantes évidemment, hein, pionnier de l'aérodynamique, voilà. Ils pensent que c'est trop grand, ils appellent ça, ils trouvent que c'est une forme phallique, enfin, voilà, jeu de mots évidemment, dans tous les sens pour Alec Affel. Et on retrouve sur cet album le deuxième titre qui va donc figurer... cet album pour ce soir, qui est le UMass, qui fait la référence à l'University of Massachusetts, bien sûr, d'Amherst. Et c'est l'école où Joey, où Frank Black plutôt a débauché Joey. Et donc, ils font même une chanson sur leur école. Tant qu'à faire. C'est-il pas mignon quand même, hein? Il y a le Planet of Sound, etc. UMass, donc, pour suivre, c'est parti, les Pixies, c'était Trompe le Monde pour... ce soir. Ta musique, ta génération. RQC. RQC, 95 FM. Nouveau. We'll be right back. Coco. Allez, le nouveau petit goutte. On va appeler ça comme ça. Puisqu'ils nous reviennent avec un album qui s'appelle Requiem, qui est sorti avant-hier, voilà, vendredi 7 octobre. Sans promo, sans rien quand même. Non, pas grand chose. J'avais rien vu du tout. Et ouais. Comme ça. Faut rester aware. Ouais, un peu dans la sobriété. Ouais, mais non, mais quand même. Bah, c'est goutte quoi. Je suis un petit peu goutte, donc. Mais. Ouais, non, c'est ça, je suis un petit peu. Donc, ils avaient sorti à 45 tours, j'étais au courant, mais là. Ouais. Non, comme ça. Nouvel album Requiem, on écoutait Godfeuze. Alors, album qui va diviser complètement, je pense. C'est vrai? Ouais. Allez, révélation. Malheureusement. Révélation? Malheureusement. Non, ils se sont beaucoup assagis. Ouais. Et je pense que tout le monde a en tête World Music. Une tuerie. Une tuerie de chez tuerie, donc déjà le deuxième comparé à celui-là... Un chouïa voilà. Moins, ouais. Et Requiem, ce sera encore un chouïa moins. Oulô, oulô, oulô, oulô. Toum, toum, toum, ouais, toum, voilà. Mais il fallait s'en douter avec un album comme World Music, je pense que c'était difficile. Ça va être dur. Voilà. Non, ça c'est vrai. Mais bon, ça reste good quand même, et ce morceau-là reste en tout cas dans, dans le thème et dans l'esprit de World Music. Bah... Ouais, mais ils ont un truc à eux, quoi. C'est, ouais. C'est Goat. Donc Goat, pour information, pour ceux qui ne suivraient pas, c'est un groupe à moitié suédois et à moitié japonais. Donc ça donne des trucs bizarres. Ça donne des trucs un petit peu bizarres, c'est vrai. C'est ils font une musique un peu bizarre aussi. Voilà. Et ils sont sur scène avec des masques un peu bizarres aussi. Si. Ouais. Et si vous voulez les voir en concert, franchement, même si c'est Requiem, allez les voir en concert. Ouais, parce que ça va péter. C'est du pur bonheur. Ça va péter, c'est sûr. On les aimera même quand ils sont morts, ça tombe bien. Love You When You're Dead, c'est le titre de Animal Youth, nouveau projet bruxellois, on va dire ça comme ça, dans lequel on retrouve à la basse un certain Vancou qui est chanteur chez Black Sheep. Oui. Nos Black Sheep locaux, si, de Moucron, un groupe scrapping. Et bien là, on est tout à fait dans autre chose que Black Sheep, rien à voir. Mais alors, rien à voir du tout. J'ai pas vu d'album arriver. Je pense qu'ils sont occupés de bosser là-dessus. Il y a ce titre qui circule sur leur page Facebook. Donc, allez cliquer. Un petit j'aime, c'est toujours sympa. Animal Youth, c'est le nom du groupe. Love You When You're Dead. Ils étaient aussi ce vendredi pour ouvrir pour Papier Tigre et Megamoto. Donc, ça fait du monde ici au bar, hein, quand même. Il y a eu du monde. We'll be right back. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Allez, ça fera sûrement partie d'un album de la semaine, voire d'un album de l'année. Ouais. Il y a des chances. Ils sont bien partis aussi. Hein. Ouais. Si. True Widow, extrait de leur nouvel album Avolgir. Joliment dit. Ah ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est bizarre comme nom. Mais 3 ans pour sortir un album et pour trouver un nom aussi à l'album, à mon avis. Non, ça, ils mettent 3 secondes. Quelques lettres mélangées, voilà. Voilà, c'est ça. Le morceau s'appelle Grey Eraser. Yeah. Ouais. Vraiment, bonne pioche. Allez, ouais. Les excellents, parce que j'avais beaucoup aimé leur premier album, les excellents Wolves. Qui pourrait se traduire par putain, au pluriel, en français, mais qui sont 4 garçons apparemment impeccablement coiffés, qui sortent un deuxième album qui s'appelle Gold, et on va écouter Baby Teeth, l'album est à venir, c'est pour le 21 octobre prochain. Baby Teeth, c'est le morceau dont je vous causais d'ailleurs dans la review tout à l'heure. On écoute, c'est parti. Walls. We'll be right back. Il veut pas. Il voulait pas se lancer. Il veut jamais se lancer. Non. Bien échevé donc les Walls avec Baby Teeth, extrait de l'album Gold qui sortira le 21 octobre prochain, qui paraît très prometteur, qui probablement glissera dans mon top. Probablement. Probablement. Allez, morceau de décroche. Vie. Et on parle beaucoup de train en son. Chouchou. Chouchou. Mais. Album sorti en 1979. Bonne année. Une très bonne année. Si, si, bien. L'album s'appelle London Calling. Ils sont là. C'est Messieurs des Clash. Train in vain. Oui. Train in vain. Quoi que vous fassiez, vite de bien sortir couvert, soyez prudents et à la semaine prochaine. Bye bye. Bonsoir.